S'il vous plaît, Mr. Love, vous qui menez la ronde. S'il vous plaît, Mr. Love, venez à mon secours. Mr. Love, aidez-moi, je ne suis rien au monde. Vous pouvez tout pour moi, vous qui êtes l'amour. Please, please, please, Mr. Love, que celle qui m'aime m'attende toujours. Please, please, please, Mr. Love, fidèle à son amour. J'ai quitté mes amis pour mieux tenter ma chance. Et j'ai changé de vie pour mieux chanter l'amour. Si je chante à Paris comme on chante en vacances, qu'ils sont loin mes amis, qu'il est loin mon amour. Celle qui m'aime m'attend de toujours. Please, please, please, please, fidèle à son amour. Pour ne pas qu'elle oublie seul notre amour compte. Mr. Love, dites-lui qu'elle est toute ma vie.